Un rassemblement au niveau central consacré au 70e anniversaire de la fondation de l'Université Kim Il-sung a eu lieu le 30 septembre à la Maison de la Culture 25 avril à Pyongyang. Y ont pris part Kim Yong-nam, Park Pong-joo, le personnel enseignant et administratif, les étudiants, et des diplômés de l'Université Kim Il-sung, des cadres des organisations du parti et du pouvoir, du cabinet ministériel, des organisations des travailleurs, des ministères, des établissements centraux et des universités de la ville de Pyongyang, les délégations et délégués de divers pays, la délégation de l'Université coréenne, de l'Association générale des Coréens résidents au Japon et les compatriotes d'outre-mer en visite en Corée pour participer aux cérémonies pour le 70e anniversaire de la fondation de l'université, ainsi que des étudiants, des chercheurs et des stagiaires étrangers qui apprennent à l'Université Kim Il-sung. Y ont été invités des représentants diplomatiques de divers pays et des institutions internationales à Pyongyang. L'orateur a dit que pendant 70 ans, l'Université Kim Il-sung s'est développée en sanctuaire suprême de l'enseignement original et de la science sous la direction des grands hommes Baekdusan. Il a ajouté que le président Kim Il-sung est fondateur de l'université et patriote sans égal qu'il a développé en trésor national de la Corée du Sud et en fierté de la nation et que grâce à sa direction énergique, l'Université Kim Il-sung, école supérieure du peuple, est fondée le 1er octobre de l'an 35 du juillet 1946 pour la première fois dans l'histoire nationale 5 fois millénaire. Il a continué que le 1er septembre de l'an 49 du juillet 1960, le général Kim Jong-il s'est déterminé au sommet de la colline Yongnam à prendre en charge de la révolution coréenne pour réaliser la cause du soleil. Puis, il a livré ses activités révolutionnaires à l'Université Kim Il-sung et conduit toutes les affaires de l'université selon la pensée et la volonté du grand leader et développé l'université en centre de formation des ossatures de la révolution de Songun. Le maréchal Kim Jong-un a envoyé sa lettre historique des tâches fondamentales de l'Université Kim Il-sung à la nouvelle époque de la révolution du Tse au personnel enseignant et administratif et aux étudiants de l'université à l'occasion de son 70e anniversaire. Il y a avancé un grand projet pour développer davantage l'Université Kim Il-sung en école supérieure de premier ordre du monde, conforme au haut prestige de l'Université révolutionnaire du président et du général. Finalement, l'orateur a appelé le personnel enseignant et administratif et les étudiants de l'université à accomplir parfaitement les tâches avancées dans la lettre historique du maréchal Kim Jong-un et à lutter vigoureusement pour faire briller l'Université Kim Il-sung en grande école des grands leaders, et à la portée au premier rang des écoles supérieures de premier ordre du monde.